comédie. J'ai du flip devant caméra et l'homme au gros zizi. On chargeait, chargeait de fusil. J'ai dit chargeait de fusil. Big Mac Mo, bang killer. Big Mac Mo, menace et la terreur. On sait où l'on va et tu sais où l'on vit. Mes aides sont derrière moi, je suis M.O. Yigari. Ah, ah, à coup de fusil à pompe, on te montre notre monde interdit aux pompes. S, fuck le S de traspect. Écoute le son de ma team, elle vient nous S de sucer. Golo dealer, menace, ça va saigner. À notre tour de blesse, le microphone, ça va gicler. On sait où l'on va, et tu sais où l'on vit. Mes aides sont derrière moi, appelle-moi mon Yigari. On s'en bat les David, on s'en bat. L.C. Poison, un truc jamais vu en France comme un grec au poisson. J'suis vert de rage, appelle-moi Big Mac Poivron. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. On chie à côté des douilles et on fait du gangsta rap, c'est tout. Ils nous reprochent de toujours dire la même chose. Alors demande à Johnny Hallyday de nous parler de son ghetto. Demande-lui de nous raconter comment c'est chaud. Comment les keufs déboulent chez lui le matin très tôt. Comment son farid aime le son, lui tourne le dos. Et demande-lui dans sa rue combien ils font le kilo. Et me tient embusqué dans un bosquet, ça c'est nous. Y'a embrouille, tu t'écales, et ben ça c'est vous. Quand le coup passe, c'est nous. Et le checka, c'est nous. Et t'es sonné par ma main qui se pose sur ta joue. On s'en bat les David, on s'en bat les charge le con. Le net noir, jean, PC comme un Compton. Masta, on crache sur les stupes. Le faire un tour dans mon hall. Entre la forêt Amazonie et Kinshasa, tu peux pas test ma zone. Pas de 44 dans ton corps si tu rentres à Jaco. Fais pas le fou dans mon secteur, tu testes en deux smokes. Poison la caméra, c'est pas de la comédie. Alors éteins ta caméra, c'est la tragédie. Préviens tes camarades. 9-1-7-8, pour toi c'est la fin, prends la fuite. Ça sert à rien de trop s'acter, tu connais la suite. C'est du rap, dangereux, tête, dis pas la. Quand tu viens chez moi, Polo, je n'oublie pas ton gilet. Rien à foutre de ton rap, ça parle pas, ça frappe. Écoute bien ce putain de son, Polo, qui te braque. Montre la jolie grenier côté sud des Westside. Ta race, ton body, fais péler qu'on drive by. On s'en bat les David, on s'en bat les charge le con. Tiens, 7-8, 9-1 plutôt. Poison la caméra, tu peux pas tester. Dans ta caméra, c'est pas de la comédie. Blair 2007, 2008, 2009. Bonus.